Skunk a dit motivate boy, viens te donner ça. En live and die, on va faire péter ça. Yeah, yeah, yeah. Yaman, alors écoute ça. Oui, j'ai de la veine, de pas me mettre des trucs dans les veines, J'évite la cocaine, Qu'est-ce que ça fait, ça m'a choqué, me brain, Bien quoi, Irène, un plan tu te prends pour une reine, Mets ton visage, traîne, les expériences chimiques sont vaines, Oui, ça me fait de la peine, de voir des tox qui traînent, épais comme des antennes, Ah oui, vraiment, ça fait de la peine, Ah oui, ça me gêne, Ah oui, vraiment, ça fait de la peine, Pour eux, c'est pas jardin d'Éden, Et ils s'en souffrent combien, Oui, j'ai de la veine, De pas mettre des trucs dans les veines, J'évite la cocaïne, Qu'est-ce que ça fait, ça m'a choqué, me brain, Bien quoi, Irène, Un plan, tu te prends pour une reine, Mais ton visage traîne, Les expériences chimiques sont vaines, Camco, LSD, amphétamine, Alcool, extamédoc, tu donnes bonne mine, Comme pour le FN sur ses produits, j'urine, Pour la taupe, y'en a qui se mettent des coups de bine, Les camés sont comme des machines, qui ingurgitent jusqu'à ce que ça se termine, Sont accros de l'ordre de pied à leur rétine, Et ses responsabilités, l'état décline. J'ai de la veine, de pas mettre des trucs dans les veines, J'évite la cocaïne, Qu'est-ce que ça fait, ça m'a choqué, me brain, Bien quoi, Irène, un plan tu te prends pour une reine, Mais ton visage traîne, Les expériences chimiques sont vaines, Watcha, man, pour ton corps faut rester clean. Avec les drogues, il ne faut pas que tu te ruines. Moi, je suis accro à la bonne cuisine, à la sensi et au thé jasmine. Ok, je dis, vaut mieux boire de la grenadine. J'ai fait mes expériences, je préfère la mettre en sourdine. Mais l'essentiel, c'est de dire à nos gamins et nos gamines que comme une épidémie, la drogue nous dessine. J'ai de la veine, de pas mettre des trucs dans les veines, J'évite la cocaïne, Qu'est-ce que ça fait, ça m'a choqué, me brain, Bien quoi, Irène, un plan tu te prends pour une reine, Mais ton visage traîne, Les expériences chimiques sont vaines, Pourquoi? Parce que, oui, j'ai de la veine, De pas mettre des trucs dans les veines, J'évite la cocaïne, Qu'est-ce que ça fait, ça m'a choqué, me brain, Bien quoi, Irène, un plan tu te prends pour une reine, Mais ton visage traîne, les expériences chimiques sont veines, C'est pour ça que je te dis, oui, j'ai de la veine, De pas mettre des trucs dans les veines, J'évite la cocaïne, Qu'est-ce que ça fait, ça m'a choqué, me brain, Bien quoi, Irène, Un plan tu te prends pour une reine, Mais ton visage traîne, Les expériences chimiques sont veines, Yeah, man.